Bonjour à tous. On ne se connaît pas encore, mais nous allons faire connaissance au fur et à mesure des podcasts que je vais vous proposer. Et justement, j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle chaîne de podcasts par un sujet qui me semble fort à propos. Le fait d'oser. Oser se lancer. Oser s'élancer vers l'inconnu. Que ce soit un projet nouveau, un voyage, une relation nouvelle, une sortie imprévue. Qu'importe le niveau de changement, oser aller vers l'inconnu donne souvent le vertige et parfois même, ça nous paralyse complètement. Je pense que ce sujet s'impose pour démarrer cette série de podcasts, car moi aussi aujourd'hui je me lance dans l'inconnu avec vous. Mais je le fais avec grand plaisir. Alors prenez place dans ce petit voyage à mes côtés et lançons-nous. Aujourd'hui, j'ai compris qu'oser aller vers l'inconnu était normal, que c'était dans notre nature évolutive. Mais quelle que soit la nature du changement, lorsqu'on est installé dans notre zone de confort, rien que le fait de changer de boulangerie dans notre quartier peut faire office de véritable challenge. Plus sérieusement, j'aimerais ici partager avec vous un peu de mon vécu et de mon expérience car j'ai été bien mise à l'épreuve ces derniers mois. Mais surtout, j'espère que ce podcast vous donnera quelques clés pour vous aider à vous élancer. D'ailleurs, rien que le fait de créer cette série de podcasts est un vrai défi pour moi. Je ne l'ai jamais fait avant et j'apprends au fur et à mesure. J'en appelle à votre indulgence. Mais en même temps, cela m'apprend beaucoup sur moi en chemin, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi tout simplement pour l'expérience que je trouve fantastique. Et c'est justement ce que j'aimerais vous partager au sujet du changement. C'est un plaisir de découvrir, c'est un plaisir d'apprendre et c'est un plaisir d'oser. Bref, avant d'aller plus loin, je souhaitais vous parler un peu de ma propre expérience. Je vous disais donc que ces derniers temps, ma capacité à changer avait été mise à rude épreuve. Moi qui suis du signe du taureau, j'aime avoir des habitudes, une routine même, des fondations solides. Et pourtant, j'ai tout quitté de ma vie précédente. J'ai mis un terme à une relation de 10 ans. J'ai quitté mon CDI à un poste à responsabilité, la ville où je vivais depuis près de 15 ans, et je me suis laissée dans l'inconnu total, à mon compte, dans une autre ville, sans aucune garantie de réussite. Et sincèrement, ça fait partie des meilleures décisions de ma vie. Je n'étais plus heureuse, je n'avançais plus. Et en partant, je me suis ouverte à de nouvelles opportunités. Et pour tout vous dire, j'ai rencontré à nouveau l'amour. C'est une des choses bénéfiques que ce changement m'a apporté. S'il y a bien une chose dont je suis convaincue, c'est que le changement apporte la nouveauté au sens positif et que nous sommes tous faits pour changer, évoluer et non pour stagner dans nos habitudes. Je suis convaincue que le changement apporte de la joie. Mais je vais développer un peu plus cela tout de suite. Tout d'abord, parler de changement nécessite de parler du point de départ, d'où on se lance. Là où vous en êtes aujourd'hui, cet endroit a pu vous satisfaire longtemps. Ça a pu être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée à une époque, jusqu'au jour où quelque chose en vous vous appelle vers autre chose, un ailleurs. Soit parce que la situation présente s'avère inconfortable, ou encore tout simplement parce que vous ressentez l'envie de vivre quelque chose de nouveau et que cette perspective vous met en joie, ça vous excite intérieurement. Ce que je veux dire, c'est qu'une situation qui a pu être parfaite pour vous un jour peut devenir une véritable prison pour vous le lendemain. Je sais, c'est parfois très dur à accepter, mais c'est un fait qui se vérifie chaque jour et pour tout le monde. Par exemple, un emploi, une relation de couple, un lieu de vie, où vous vous sentiez parfaitement à votre place hier, mais plus aujourd'hui. La première chose est donc d'observer avec honnêteté envers soi, envers nos besoins, cet appel, cet inconfort, cette envie. L'envie, ou le fait d'être en vie, d'aller vers ce qui nous rend vivants, autrement dit. Une fois cet appel observé, des résistances vont sûrement surgir. Pas de panique, c'est normal. Les résistances peuvent venir de l'extérieur, un entourage qui s'inquiète, mais qui nous renvoie finalement simplement à nos propres peurs quand on y regarde de plus près. Car nous sommes programmés aussi ainsi. Nous sommes programmés pour résister au changement en raison de tout le risque que ça implique. D'où le concept de la fameuse zone de confort, cette zone qui représente ce que nous connaissons, cet espace où nous nous sentons en sécurité, où nous avons nos repères finalement. Cette zone peut être un réseau d'amis que nous connaissons, le lieu où nous avons grandi, l'emploi en CDI qui nous procure un salaire régulier et rassurant chaque mois. Ça peut être bien des choses, et nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à quitter cette zone. Pour certains, c'est plus simple, car ils ont été entraînés aux changements tôt, ou tout simplement car il est dans leur nature d'aimer l'aventure, d'aimer l'inconnu. Pour d'autres, il est important d'avoir des bases stables, des repères, et je ne suis pas là pour juger l'un ou l'autre de ces profils. On a chacun notre nature, on a chacun nos aspirations. Le niveau d'aventure diffère pour chacun de nous, c'est certain. Pour certains, l'aventure d'une vie sera un déménagement. Pour d'autres, un tour du monde. Mais s'il y a une chose que je comprends de la vie, c'est que le changement fait partie de la vie. Parce que la vie est un mouvement par nature. Et qu'au mieux nous apprenons à danser avec la vie, au mieux notre vie peut nous épanouir et nous faire grandir. Ce que je comprends, c'est que rester immobile nous prive de tous les bienfaits que la vie a à nous offrir. Un exemple tout bête que je donnais à des amis il y a quelque temps. On dînait autour d'une table dans un restaurant et plus tard dans la soirée, on a vu qu'il y avait aussi ce petit salon à l'écart qui semblait bien plus douillet avec ses canapés. On hésitait à laisser nos places car on n'était pas si mal là où on était, puis on n'était pas sûr que ça soit libre là-bas. Mais j'ai dit, allons-y et puis on verra bien. Et au final, au moment où on s'est rapproché, les places se sont libérées. On s'est installé et on était bien plus confortable. J'ai alors pensé que souvent dans la vie c'était ainsi. On n'a pas toujours la garantie que le changement sera bénéfique pour nous ailleurs, que les conditions seront réunies pour que tout se passe de la façon la plus fluide possible. Mais si on n'essaie pas, on ne le saura jamais. Et la vérité, c'est que lorsque l'on va ou on se sent appelé, les conditions sont souvent favorables. Comme certains auteurs le disent, l'univers conspire pour notre bonheur. Ce qui m'amène à un des derniers points importants dont je voulais vous parler. Il faut savoir apprendre à distinguer la voix qui vient de votre cœur et celle qui vient de votre mental, qui a souvent peur. Notre cerveau emmagasine des expériences vécues ou observées chez d'autres. Il sait que l'on prend des risques à aller vers l'inconnu, et il a raison. Il nous alerte, il nous rappelle peut-être même des épisodes douloureux, et c'est très bien car il est là dans son rôle. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée sans évaluer les risques, mais oser changer implique forcément de rajouter une donnée à l'équation. La donnée du cœur. Cette partie plus intuitive de notre cerveau, la partie droite en l'occurrence, qui ne nous semble pas toujours logique, mais qui nous invite à vivre de nouvelles expériences, car ce sont elles qui vont nous révéler à nous-mêmes, qui vont nous permettre de nous réaliser. On observe souvent, avec envie, ces personnes qui ont osé écouter cette part d'eux-mêmes et qui ont réalisé des choses extraordinaires dans leur vie. Oh oui, on les envie, ces personnes. Car le fait est qu'on ne peut rien réaliser d'extraordinaire dans notre zone de confort, aussi confortable soit-elle. C'est ainsi. Je sais, c'est énervant, mais c'est ainsi. Peut-être que vous vous dites d'ailleurs que vous n'avez pas forcément envie de réaliser quelque chose d'extraordinaire, et c'est bien votre droit. Mais je pense que s'il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est bien notre aspiration à être heureux. Et c'est aussi de bonheur dont je vous parle, d'épanouissement. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que rester dans le connu ne peut pas ouvrir la porte au bonheur, car ça ferme la porte à tout, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles opportunités, et ainsi de suite. Alors que s'ouvrir à l'inconnu nous ouvre à tous les possibles, à l'abondance, à la joie de vivre, une vie que l'on s'est choisie. Pour finir, je voudrais partager une dernière observation avec vous. J'ai le sentiment qu'oser le changement, c'est un peu comme travailler un muscle. Plus on se challenge, plus on ose. Et plus on s'habitue à rester dans sa zone de confort, moins on en sort. Au quotidien, on peut s'entraîner à sortir de sa zone de confort, ne serait-ce qu'en osant aller vers une place différente, dans un restaurant, comme je le disais tout à l'heure. Oser faire de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties, essayer une activité qu'on n'a jamais pratiquée. Moi-même, je passe par un moment de panique à chaque fois que je me mets dans ce type de situation et d'épreuve, que l'épreuve soit minime ou grande. J'observe cette réaction de panique très souvent en moi, et puis je la laisse passer, et je m'interroge sur mes envies profondes. En ai-je envie au fond ? Est-ce que ça me procure de la joie d'essayer au fond ? Si oui, alors j'essaie. Et puis je vois où ça me mène, j'ai rarement, voire jamais regretté d'avoir essayé. Rien n'oblige de bouleverser sa vie complètement. On peut toujours faire des changements par paliers, par étapes. Cela permet d'éviter de se tétaniser devant un changement, car encore une fois, il est normal d'avoir peur. Mais je parlerai de tout cela dans un prochain podcast. Voilà, j'espère que ce podcast vous a donné envie de vous lancer dans de nouvelles aventures. Petites ou grandes, qu'importe, je vous garantis que de belles surprises vous attendent derrière la porte que vous aurez osé ouvrir. À très vite pour de nouveaux podcasts.